Please make sure that all seats are in the upright position and trays are put away. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you and enjoy your flight. Flight crew, please prepare for takeoff. Je passerai pas la nuit dehors. Non. Je dois bosser, c'est quoi ton truc encore? À chaque fois je pense partir en paix. Tu maudis, me jette des sorts. Pourquoi te donner ton mal? M'envoyer des phrases encore. J'attendrai que tu sois calme pour revenir masser ton corps. C'est la même à chaque fois, tu me demandes pardon. J'étais au studio, je pensais à toi, mode avion. Je m'absente, girl, it's a problem. Je rigole 5 fois, it's a problem. Quand je pars à l'église, it's a problem. Mon ex m'a fait la bite, it's a wicked problem. Pas de réseau chez ma maman, it's a problem. Je suis plus soigné qu'avant, it's a problem. Je vais chercher des médicaments, it's a problem. Quand je vais mourir sur le divan, problem. Pourquoi te donner tant de mal? M'envoyer des phrases hardcore. J'attendrai que tu sois calme pour revenir masser ton corps. C'est la même à chaque fois, tu me demandes pardon. J'étais au studio, je pensais à toi, mode avion. T'es mignonne et douce, gamine. Tu m'as manipulé, vous êtes toute maligne. Ferme ta gueule de putamina. Tu m'as sorti ça devant toute ma mifa. C'est pas la peine de jouer la poule de Lina. Je sais que des peines, t'as bu plein de stamina. Aussi violente que Medellina. D'ailleurs ta jolie mina se cache la plus folle de toutes les Nina. J'essaie d'éviter tous les problèmes. Tu vas me tuer pour une histoire de poubelle. Il est temps de se calmer, tu fais un AVC. Quand je suis caché dans les WC.